Ça, la base s'élargit, mais à descend. Il y en a qui ont joué des tours. On va essayer de monter avec l'énergie. Fais attention. Justement, le titre de la conférence de ce soir, c'est « De l'homme au Dieu ». Parce que c'est dans l'odieux de l'homme qu'on découvre le Dieu. Ben, moi, je veux spécifier que c'est bien de l'homme au Dieu, là, Dieu en deux mots, c'est pas au Dieu avec un Dieu en deux X. Au Dieu en deux mots. De l'homme vers le Dieu. C'est ça. Voilà. Non, pas vers l'odieux. C'est ça, vers le Dieu. Oui. Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on passe d'un homme vers un Dieu ou est-ce qu'on a déjà fait le chemin? Je veux comprendre, quand on parle de l'homme, on parle de la femme. Ça, je m'en doutais. Tu vois? On parle en français. Alors, nécessairement, quand on parle en français, on parle de l'homme. On a pu dire de la femme à la déesse. C'est ça. Puis de l'enfant, ou, comme on disait, au déonceau, puis à la déoncelle. Hein? Bon. Est-ce qu'on a déjà fait le chemin inverse? Est-ce qu'on a déjà passé d'un dieu à un homme? Oui, l'être humain a déjà été quelque chose qu'il reconnaît comme étant divin aujourd'hui. Alors, effectivement, si on veut parler comme tu dis, on est passé de l'état de divinité à l'état d'humanité. Et on appelle cela de l'involution. La chute. Oui. De l'état d'humanité, on est passé à l'état d'animalité. Ça aussi, on appelle cela de l'involution, on appelle cela aussi de l'effusion. Et quand on parle d'effusion de sang, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la vie sort, tout ce qui est le principe, disons, qui serait humain, décolle, bon, alors le sang coule à terre, les mémoires de l'homme s'envolent, et ça peut amener la mort. Alors l'effusion, c'est aussi un principe qui permet l'involution, donc d'un état très particulier qu'on peut appeler un état divin. L'être humain est parti de là, et par effusion successive, il est arrivé à descendre assez bas. C'est-à-dire qu'il est arrivé à devenir de la matière, exclusivement de la matière. On était quoi quand on était un dieu, avant d'être de la matière? Toi, moi ou eux? L'ensemble, en général. L'homme avec un grand H et la femme avec un grand F. C'est que je m'ajuste. Mais oui. C'est une question qui se répond facilement, mais qui ne se comprend pas. Moi aussi, quand même. Alors, repose-là. On était, avant d'être un homme, ou avant d'être comme on est, matériel, on était quoi? Quand on était un dieu, on était sous quelle forme ou de quelle nature? Quand on était un dieu, on était sous aucune forme. Puis maintenant qu'on est des êtres humains, on est des êtres qui sont exprimés par des formes. Lorsqu'on était divin, on était inconceptuel. On n'était pas bâti de concepts. Alors, on peut considérer aujourd'hui que la vision de la divinité est une vision qui n'existe pas dans un état divin, mais qui n'existe que dans un état humain. Autrement dit, l'être humain a une vision de ce que c'est que la perfection, alors qu'un être parfait n'a aucune vision de la perfection. Pour la simple raison que dans un monde parfait, il n'y a pas de dualité, donc il n'y a pas d'imparfait. Et s'il n'y a pas d'imparfait, on ne peut pas connaître ce qui est parfait. C'est un peu comme si tu avais un monde qui était totalement coloré de vert. Alors, personne ne saurait que c'est vert. Parce que tout est vert, et on s'en rendrait pas compte que c'est vert. Il n'y a pas de point de comparaison. Non. Si on fout le bleu là-dedans, subitement on découvre qu'effectivement, il y a du vert. On prend l'exemple encore d'Adam et Ève, qui est une forme intéressante. À un moment donné, ils ont mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal et ils ont subitement découvert qu'ils étaient nus, alors qu'ils avaient toujours été nus. Probablement qu'en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont peut-être découvert chez Dieu, le Dieu de l'époque, qui était un Dieu, c'est les orteils de Dieu, hein, qui est un Dieu très humanisé, créé à l'image et à la ressemblance de l'homme par les facteurs et involuants de l'humanité. Ils ont découvert subitement que Dieu était vêtu. Et découvrant que Dieu était vêtu, ils ont découvert qu'eux étaient nus. Ça ne veut dire pas découvrir que Dieu est vêtu. On ne parle pas d'une divinité, on parle du Dieu de l'époque. Il y en a plusieurs dieux, il y en a encore plusieurs aujourd'hui qui se font la guerre et qui obligent donc l'humain à faire la guerre. Découvrant que Dieu était vêtu, ils ont découvert finalement que Dieu était entouré d'un halo, qui s'appelle le mensonge cosmique. Alors, découvrant que le mensonge existait, ils ont découvert qu'eux étaient la vérité, et la vérité qui n'est pas supportée par de l'énergie divine, par de l'intelligence, entre autres, sert toujours contre elle-même. Quelqu'un, par exemple, qui est totalement transparent, sans intelligence, dans un monde totalement menteur, il va totalement se faire exploiter. Il va se faire détruire. Il n'y avait pas à l'époque les corps physiques pour le tirer ou pour être capable de construire. Il n'y a pas d'intelligence. Par contre, il y avait de la pureté. Alors, lorsqu'ils ont découvert la vraie nature du Dieu de l'époque... Pureté comme de la naïveté dans la... Oui. Lorsqu'ils ont découvert la vraie nature du Dieu de l'époque, ben, ils se sont rendus compte qu'eux étaient totalement inadaptés. Alors, ils se sont adaptés à Dieu. Ils sont devenus menteurs, ils sont devenus violents, ils sont devenus belligérants, ils sont devenus possédeurs, ils sont devenus manipulateurs, l'être humain est devenu obligeur, il est devenu tyrannique. Alors, à un moment donné, bien, on avait à l'époque, il y a eu le matriarcat pendant longtemps. La Bible parle surtout du règne du patriarcat, lorsque c'est le père qui domine. Alors, dans cette visualisation, évidemment, Dieu est un homme, il va créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Par la suite, il va, d'une partie de l'homme, créer la femme. Hein? C'est pourquoi, apparemment, qu'il manque une côte à l'homme. Ben, cherchez-la. Il n'en manque pas, en tout cas. Bon. Quand il a vu ce que ça faisait, il a dit « bof à se maquiller là ». Quand il a vu créer la femme, ben oui, c'est bon. Mais, par la suite, ce qui est arrivé, c'est que... Il commence à faire des amis, quoi. L'homme était le grand patriarche. L'homme était celui qui devait bénir les enfants, il fallait demander la main de la femme, il fallait faire ceci, il fallait donner un dot, il fallait faire des offrandes au père, il fallait l'adorer, il fallait le respecter, quoi qu'il dise. Un père qui dit à son enfant de se suicider, il fallait que l'enfant le fasse. Un Dieu qui disait à ses enfants de mourir, il fallait que l'enfant le fasse. Le père était le représentant de Dieu. Oui, et Dieu était effectivement à l'image du père. Alors, nous, l'idée qu'on a du Dieu dans l'idée biblique, c'est un Dieu qui a une grande barbe, etc. Mais les patriarches bibliques étaient tous comme ça. C'est un Dieu de colère et de vengeance. C'est ce qui était d'ailleurs les patriarches bibliques. Mais c'est ce que Dieu a utilisé aussi quand le Nazaréen est venu sur la planète. Il utilisait souvent l'expression père, puis mon père, puis... À cause de ça, ou si c'est ça qui a amené... Le Nazaréen, il faut faire attention, parce que les dieux, l'humain va parler de Seigneur. Bon, le Seigneur, ton Dieu. Mais le Seigneur, c'est toujours le roi d'un territoire. Hein? Les dieux sont créés à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme par l'homme. Bon, alors il y a effectivement une divinité qui va chapeauter l'idée au complet. Mais ce n'est pas les dieux que l'humain a connus, c'est surtout pas les dieux que l'humain a pris aujourd'hui. On ne prie pas un dieu. Bon, il sait, il fait déjà, c'est déjà orchestré au complet, t'as pas à prier un Dieu. Bon, c'est une manière, t'es fait à l'os, t'as pas à le prier. Bon. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'on parle donc de Seigneur. On va aussi donner des noms comme Yahvé, qui va être l'implanteur de la vision de reconnaissance, de la vision d'altruisme dans le règne humain. On parlait de Jéhovah, qui lui est l'implanteur des lois rigides et... obligeante de l'humain. Les lois qui vont forger l'humain par la peur et la crainte. On va parler de différentes divinités comme ça, mais grosso modo, c'est le Seigneur. Bon, quand le Nazaréen vient, c'est le premier qui va utiliser honnêtement, réellement, l'idée de mon père. Mais progressivement, il va se rendre compte que mon père ne fait pas partie de la réalité. On va revenir dans le prochain mois sur cette mécanique-là, et il va découvrir que ce n'est pas mon père, que c'est père. Totalement autre chose. Il va donc se libérer de l'idée de possession d'eux. Et par la suite, il va donc cheminer de différentes façons pour amener des choses qui sont totalement nouvelles. Mais il va devoir les adresser dans un langage informatique, il va devoir les adapter dans leur adresse, en fonction des psychologies des humains de l'époque. Okay. Et aussi en fonction du langage araméen, parce qu'il parlait l'araméen, et l'araméen n'était pas un langage extrêmement, extrêmement développé, donc il fallait prendre les mots qu'il y avait là. Et qu'il utilisait une forme, c'était une forme, c'était un personnage qui était un père, qui était père, pour se faire bien comprendre de ce qu'il parlait. Mm-hmm. Mais l'humain est pluriconstitué, c'est-à-dire que l'humain est constitué d'un corps physique, hein, on le sait, d'un corps vital, la vie, d'un corps astral, la psychologie. La psychologie, c'est la relation qui existe entre les mémoires, l'émotion et l'ego. Et il est constitué d'un corps mental qui, à la naissance, s'appellera l'intellect, qui va nous permettre d'intellectualiser. Par la suite, l'intellect va devenir totalement logique et on aura donc un légiférateur qui va nous permettre de légiférer. Ça, c'est le mental. Le mental, comme le corps astral, a des limites. Et le mental est normalement, vu que c'est une créature du corps astral, donc de la psychologie, de la mémoire, des désirs et de l'émotion, normalement, le mental est aussi problématique. Et à un moment donné, l'humain va entrer en contact avec des forces qu'il a oubliées depuis longtemps, depuis quelques millions d'années, qui est la première force qui est l'Esprit Saint, qui est l'intelligence supramentale. Par la suite, l'humain sera capable d'entrer en contact avec une autre expression beaucoup plus subtile de l'énergie, qui s'appelle dans le langage ésotérique le plan bouddhique, mais qui n'a rien à voir avec Bouddha, sauf que c'est là qu'on pense que le Siddhartha Gautama, le premier Bouddha, s'est ramassé, s'est retrouvé. Et par la suite, l'humain qui continue son ascension va finir par entrer en contact avec une énergie encore plus subtile, d'une subtilité telle que cette énergie-là, on peut considérer qu'elle n'existe pas. Et quand je dis qu'elle n'existe pas, je veux dire qu'elle n'est pas soumise à la pression de l'espace et du temps. Et dans le langage ésotérique, on l'appellera énergie divine. Dans mon langage à moi, on va parler d'énergie d'intentionnalité. Donc, à ce niveau-là, dans le langage ésotérique, le plan divin, c'est un plan d'intentionnalité. Donc, l'être humain qui est en contact avec l'intentionnalité a la capacité de tout bouger, de tout le changer. Il n'est plus manipulé, il est le grand manipulateur. Dans ton échelle d'énergie, comme tu l'as décrit là, les dieux qui nous ont été présentés ou que l'homme a créé à son image, eux sont dans le plan astral. Ils sont tous dans le plan astral, et dans le plan astral, on verra des dieux qui sont la copie astralisée, évidemment, donc colorée, de ce que l'homme sera, l'homme, la femme, l'enfant, sera lorsqu'il aura un contact avec le plan supramental, lorsqu'il aura un contact avec le plan bouddhique et avec le plan de l'intentionnalité. Dans mon langage, à moi, le plan bouddhique portera le nom de plan de gratuité. Et l'être humain en contact, par exemple, avec le plan de l'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, hein, le plan de l'intelligence active, l'intelligence qui n'est pas limitée par ce que nous connaissons, l'intelligence passive qui est l'intellect, l'humain qui est en contact avec l'intelligence active sera capable de comprendre l'intelligence, de ne pas, un exemple que je donne comme ça, bien banal, de ne pas en vouloir à autrui. Il va se dire, ça ne sert à rien, l'intelligence active, l'intelligence supramentale, va l'instruire que l'humain est manipulé, que ça ne sert à rien de perdre tes énergies en vouloir à quelqu'un, etc. Si l'humain est relié au plan de la gratuité, donc le plan qui est un peu plus subtil, il va être capable de pardonner. L'humain qui n'est pas relié au plan boutique, donc au plan de la gratuité, ne peut pas pardonner. Bon, on a expliqué de temps en temps que pardonner, c'était facile pour l'humain. Mais oublier qu'il va pardonner, c'était bien compliqué. C'est facile de dire, je t'ai pardonné une fois, là, ne recommence plus. Donc, je t'ai jamais pardonné. Mais le plan de la gratuité permet le pardon. Pardonner, ça veut dire aller au-delà du don. Hein? C'est ce que ça veut dire, pardonner. Aller pardonner. Bon, aller par-dessus le don. Ça fait en sorte que l'humain va se relier au plan de la gratuité. Donc, il sera capable d'aller au-delà du don. Alors que le don de soi pour l'humanité est une vision spirituelle, donc astralisée, d'une relation avec le plan de la gratuité. Mais l'âme planétaire, donc l'être humain, ne peut pas parvenir à la... Il ne peut pas faire autrement que de souffrir s'il se donne à l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il doit se donner à lui uniquement. Et s'il se donne convenablement à lui, il va finir par être un bijou, un cadeau réel pour le reste de l'humanité. Mais parce que l'humain va vivre avec une médiocrité d'ego, parce que l'humain va vivre supporté par des visions spirituelles des dieux, des antiques dieux qui chapeautent encore le monde astral aujourd'hui, l'humain va penser qu'il doit se donner à Dieu, donc s'offrir à Dieu, ce qui n'est pas le cas, parce que ces dieux-là ont besoin qu'on se donne à eux pour les alimenter, alors que si l'humain entre en contact avec une divinité, c'est un facteur plutôt divin, non pas un dieu, si l'humain entre en contact avec une divinité, et une divinité, quelque chose qui est hermaphrodite, il n'y a pas de sexe dans une divinité. Dans un dieu, oui, tu as aussi de la déesse à l'opposé, puis ils se font des chicanes de famille, bon, on connaît ça, on a qu'à lire un peu... Les périphéties du monde grec et romain pour se rendre compte que ça se passe sans arrêt. Et l'être humain qui va entrer en contact avec une divinité va avoir la capacité, à un moment donné, de supplanter les visions spirituelles de la mécanique divine, les visions spirituelles de la mécanique humaine. Donc, il va être capable de découvrir que l'être humain n'est pas uniquement une créature. ce qu'on vise, c'est-à-dire dans le titre que tu. Dans le titre qui a été donné à la conférence, de l'homme au Dieu, c'est plus de l'homme à la divinité, si je comprends bien. De l'homme au Dieu, ça serait de devenir au Dieu. Ça serait astral. Ça serait si on voulait passer de l'homme à Dieu. En réalité, c'est ce qu'on a fait pendant les dernières. C'est ce que l'humain a tenté de faire. Ceux qui se crucifient à chaque fête de Pâques, par exemple, veulent passer de l'homme au Dieu. Ceux qui, à un moment donné, essayaient de revivre la vie du Nazaréen, ceux qui font des chemins de croix, ceux qui vont essayer d'être des martyrs, la majorité des saints au niveau de l'Église catholique. On prend par exemple Saddam Hussein qui veut être un martyr, parce que lui, que la guerre, qu'il la gagne, qu'il la perde, il gagne. Sur tous les tableaux. Ça, c'est un être humain qui veut passer de l'homme au Dieu. Alors, il va être incapable d'envoyer tout le monde mourir. C'est pour Dieu. C'est correct. Mais c'est pour le servir dans son cas, lui, parce qu'il devient un prophète. Un prophète est un prophète, c'est un messager de Dieu. Un messager de Dieu, c'est celui qui, finalement, vient obliger l'humain, hein, c'est la courroie de Dieu, il vient obliger l'humain à faire ce que Dieu veut. Parce que dans ces divinités-là, dans ces mondes astrales-là, Dieu n'a jamais la puissance de... Il vient accomplir les prophéties. Oui, j'écoutais tout à l'heure une émission qui est comique, et on a un bonhomme qui s'est échappé de prison. Et puis, on lui demande, la famille lui dit qu'il n'aurait pas dû faire ça. Et puis là, il dit, ben écoute, moi, j'aurais pu m'évader. Puis là, je me suis mis à genoux sur la dalle froide de la prison pourrite. Et là, j'ai levé les mains vers le ciel et j'ai dit, Dieu, si tu veux que je reste en prison, fais un signe. Il n'y en a pas fait, ce qui fait que je suis sorti. Il s'est servi de Dieu. Oui. Mais c'est exactement la problématique de Dieu. Il n'a pas servi Dieu. Oui, c'est que et l'humain, ça, dans sa faiblesse, hein, l'humain a créé ce monde pour pouvoir placer des mémoires de ce qu'il était, donc nécessairement de ce qu'il va être, pour ne pas oublier certaines choses. C'est un cinéma qui s'est créé. Alors là, il y a des dieux, il y a des anges, il y a des ceci, il y a des cela, il y a des cela, etc. C'est un cinéma qui s'est créé. Et là, il entre en communication avec des mémoires. Il rentre en communication avec Elton John, il rentre en communication avec Bruce Lee, il rentre en communication avec Sylvester Stallone, il rentre en communication avec Arnold Schwarzenegger. Bon. Il rentre en communication avec... Il faut qu'il fasse ça avec tout le monde, à tous ces gars-là, oui, maintenant, ils vont détruire le piano. Alors l'être humain est là, puis il se dit, Arnold, s'il vous plaît, gonfle mes muscles cette nuit, aide-moi à avoir la volonté de faire des poids et haltères. Et puis, à un moment donné, la personne va dire, ça met les grosses photos d'Arnold Schwarzenegger là-dedans, c'est le moins bien possible. Et puis là, elle prie, puis elle regarde, elle fait ses poils en regardant. Mais il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui acceptent la souffrance en regardant le Seigneur, c'est le gars qui saigne sur la croix. Bon. Et il y en a qui vont vivre la même chose. Ce sont des mémoires, et l'humain va essayer d'entrer en contact avec ces mémoires-là. Ces mémoires-là deviennent des réceptacles d'énergie, ça fonctionne. Parce qu'à la longue, on met tellement d'énergie dans l'idole qu'on finit par avoir un réservoir d'énergie. Et quand il sera suffisamment plein, c'est comme un condensateur, il peut se libérer. Et tu auras un peu un résultat. Mais tu pris une mémoire de ce que tu étais. Alors, les êtres humains l'être humain, lui, va vers le Dieu lorsqu'il fait finalement ce que l'humain, l'homme, qui a toujours voulu du pouvoir, c'est ma personne au niveau des dieux. Le dieu veut aussi du pouvoir sur lui-même. Hein? Il donne des commandements. 10 commandements, 4000 commandements, ça dépend des religions. Bon. Et si vous n'obéissez pas, bien, qu'est-ce qu'on vous fusille? Bon, dans le langage catholique, on dit vous allez en enfer. Bon, OK. Mais c'est la même chose. On vous fait péter une bombe nucléaire sur la tête, ou encore on vous gaze, comme Saddam Hussein l'a fait chez les Kurdes, ou comme l'Allemagne l'a fait ailleurs, ou comme toutes les religions vont se faire. Chez les castrateurs de Russie, si je te contrais tout ce qui se passe chez les castrateurs de Russie, tu serais absolument... Ça m'intéresse pas. Effrayé. Donc, effectivement, l'être humain, lorsque l'être humain veut devenir un dieu, imaginez comment c'est quand même, parce que la femme ne veut pas devenir une déesse. Est-ce qu'elle ne veut pas le devenir ou est-ce que ça... Du point de vue de la vibration, une déesse, ça sert le dieu. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Oui, c'est ça. Non, parce que tu es pur, de temps en temps. Bon. Mais, par contre, l'être humain, homme, femme, enfant, il va devenir divin. Bon. Il n'est pas un dieu, il va devenir divin, il ne sera pas un dieu. Exact. Le dieu est une conception, mais parlons simplement d'un dieu créé. La misère de Dieu, c'est d'être obligé d'aider l'humain. Dieu est l'esclave de l'homme. Qu'est-ce que Dieu a à foutre d'une gang d'imbéciles sur une planète asile et qui sont toujours en train de se battre, de se droguer, de s'entretuer, de se casser la gueule, de se chicaner, de se disputer, de se voler, de travailler pour avoir du fric, de se demander de, s'ils ont bien fait ou pas, ils se sentent coupables, ils savent, bon, tu sais, bon, qu'est-ce qu'un Dieu a à faire, ça? Un Dieu astral, tu parles de... Non, on parle d'un Dieu. D'une divinité ou d'un Dieu, pour moi, d'un c'est Dieu, pas pareil. D'un Dieu. Dans ce que tu me décris. Un Dieu astral, il joue avec nous autres. Nécessairement, un Dieu astral, il ne joue pas avec nous autres. Il a besoin de nous. Pour qu'on le prie, qu'on le serve. Pour qu'on le nourrisse, pour qu'on l'alimente, pour qu'on l'empêche de mourir. Et effectivement, c'est lui qui va engendrer l'âme chez l'homme. La femme et l'enfant. C'est pourquoi l'âme va avoir l'impression d'avoir été créée par Dieu. Mais toute la mécanique humaine, l'intelligence, l'esprit, c'est pas créé par les dieux. Là, bon, au commencement, il n'y avait rien, patati patata, et puis finalement, Dieu créa le ciel et la terre, hein, il créa la dualité. Et tout ce que l'on sait, nous, c'est que Dieu est dans le ciel. Alors, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est probablement pas le même Dieu compris qui est dans le ciel. Et puis, ça fut le premier jour. Alors qu'on calcule les journées en fonction de la rotation de la terre sur elle-même. La terre, il va la créer plus tard. Le soleil aussi, d'ailleurs. Mais ça, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler de ça. Bon, on oublie ça. Bon. Il y avait des calendriers galactiques. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'en réalité, quand on regarde la Genèse, présentement, nous sommes rendus dans la septième journée de la création. Non, dans la sixième journée de la création. Alors, présentement, quand l'humain regarde la Genèse, que la Genèse, comme la Bible d'ailleurs, comme tous les livres sacrés, hein, c'est sacré parce que ça crée des choses quand tu les comprends. Alors, lorsque l'humain regarde la Genèse et qu'il la comprend convenablement, il découvre que présentement, on est rendu dans la sixième journée de la création. Les journées sont des races. Les journées sont des races et les journées sont des immenses cycles. Mais c'est pas des journées comme ça, là. C'est pas des journées, des 24 heures, mais 23 heures, etc. Ce sont des périodes massives et présentement, l'humanité est dans la sixième journée de la création. Mais ça, je ne vais pas parler là-dessus, là. Je suis en fait Capitaine Bonhomme à un moment donné. Mais les gens ne croiront pas. Et puis les sceptiques vont être fondus plus tard. Ils ne seront pas fondus. Les cons seront fondus. Ah ouais, les cons seront fondus. Les sceptiques et les cons seront fondus. Mais c'est ça, oui. Alors, ce qui arrive donc simplement, c'est qu'il y a les dieux que l'humain souvent a prié. Hein? Pourquoi quand on prie, les dieux n'ont jamais de réponse? Parce qu'ils ne sont pas là. Pourquoi on a créé des dieux? Parce qu'on en avait besoin, de façon à se rappeler ce qu'on était. Mais on ne savait pas ce qu'on faisait, on a toujours été manipulés. Non. Quand on est descendu, quand on s'est effusé, on se refroidissait, et on a laissé des traces partout, on savait ce qu'on faisait. Et au fur et à mesure, quand on laissait une trace, par la suite, lentement, on l'oubliait. Mais si tu te rappelles un peu quand tu vivais en Lémurie, peut-être que tu ne te rappelles pas trop de Lémurie, tu étais encore un singe à l'époque, mais sur l'Atlantide. Quand tu vivais en Atlantique, tu te rappelais encore d'un paquet de choses. La Terre n'était pas encore suffisamment refroidie. L'atmosphère n'était pas la même. À l'époque, même le plomb, c'était léger. C'était de l'auricale, hein? Un or léger. Puis lentement, à travers la densification de la planète, on n'en connaît plus d'auricale qu'aujourd'hui. C'était du plomb. Bon. Et progressivement, on se rappelait des choses. Noé, tu l'as connu, Noé, il se rappelait de certaines choses. Il a laissé deux laboratoires majeurs sur les îles Galapagos, parce que ça appartenait à l'Atlantide. Alors, il faisait un travail génétique pour créer des animaux qui seraient capables de supporter l'humain dans l'astral, de supporter l'humain dans le vital. Il a créé le chien et le chat, entre autres. Bon, mais il y a eu des déluges à l'époque. Pourquoi? Parce que la Terre se refroidissait, et puis la condensation de l'atmosphère a fini par tomber. Alors, il n'y a plus. Il a créé deux arches. Une s'est ramassée sur les terres de feu, en Amérique du Sud, et l'autre sur le Mont Ararat, en Turquie. Et il a pris deux de chaque espèce, un gars, une fille, de chaque espèce dans son laboratoire, il met ça dans ses arches. Si on visite les îles Galapagos aujourd'hui, on se rend compte que 98% de ce qui vit là est unique à ces îles-là. Bon, puis Darwin, il s'est fait ramasser. Il va sur une île, puis il dit, ah tiens, ils ont vécu comme ça, ils ont muté comme ça. Puis sur une autre île, les lézards sont différents. Oui, c'est des expériences génétiques. D'ailleurs, c'est Noé qui a fait ça. Et on connaissait des choses. Progressivement, on s'est ramassé jusqu'à la race indo-européenne, on s'est ramassé dans les Indes, on est descendu lentement jusqu'à l'Égypte. Une partie de la race a monté vers le nord, créé les Vikings, les Normands, les hommes du nord. Et on a progressivement encore oublié. Quand les personnes ont construit les grandes pyramides, les grandes pyramides servaient à quoi? Elles servaient premièrement à protéger la vallée du Nil des vents du désert. Elles servaient, vu qu'elles étaient recouvertes de plaques d'or, enfin celles de Khéops, entre autres, elles servaient aussi de phare pour les voyageurs du désert. On vous les voyait illuminer de très très loin. Ils ont bâti le protecteur du mal, enfin le gardien de la terreur, le sphinx. Il y a plusieurs choses qu'on savait à l'époque. Ils ont initié les humains au voyage astral à cette époque-là. Ils ont bâti des temples dans l'astral. Ils ont bâti les Esséniens. Ils ont bâti finalement la secte des Nazariennes. Ils ont bâti ce qui va engendrer le prieuré de Sion, ce qui va engendrer les Templiers, ce qui va engendrer la Rose Croix, la franc-maçonnerie. On savait des choses. On a même à l'époque prévu la venue du Nazaréen. Et par la suite, à partir de la fin des derniers prophètes, c'est-à-dire que là, ça se refroidissait, ça se refroidissait, ça se refroidissait. Alors, progressivement, on parlait des dieux, on parlait d'un paquet de dieux, parce que chaque être humain avait ses propres mémoires. Jusqu'à temps qu'un personnage finisse par monothéiser toute l'affaire, donc créer un seul dieu avec des hiérarchies subséquentes, des archanges, des anges, ou dans d'autres religions, on aura d'autres choses. Et à partir de là, 2000 ans, plus ou moins, c'est oublié. Pourquoi il fallait qu'on oublie qu'on avait placé des... Fallait pas. Pourquoi on a oublié? Parce qu'on oubliait. Parce c'était que pas la prévu. Mécanique... C'était pas prévu qu'il y aurait un oubli pour non. le développement. J'ai déjà expliqué que toute la misère humaine n'était pas intentionnalisée. C'est-à-dire que l'être humain, c'est l'être humain médiocre, l'être humain malade, l'être humain souvent souffre, l'être humain manipulé, mais cela n'est pas intentionnel. L'humain, l'animal humain est mal pris. Il n'y a pas de la conscience. L'être humain, c'est l'animal humain qui finit par subitement avoir une conscience. Donc, l'animal humain est celui qui évolue. Hein? Darwin serait fier de cela. Et l'être humain, c'est celui qui cesse son évolution pour se conscientiser. La conscientisation est le déroulement d'une trame divine à l'intérieur de la conscience de l'animal. Bon, la conscientisation, c'est quelque chose qui a une valeur haute. Tu apprends. Tu t'adaptes par essai et erreur, hein? Ça c'est pavlovien, tu apprends. À un moment donné, tu commences à comprendre. Comprendre veut dire que tu finis par associer ce que tu as appris. Mais comprendre, c'est souvent comprendre des explications. Et à un moment donné, ça fait partie de l'évolution. Et à un moment donné, l'être humain cesse d'apprendre, ou il apprend encore, cesse de comprendre, ou il comprend encore, mais il commence maintenant à conscientiser des choses. Et la conscientisation, ce n'est pas uniquement « je ne pollue pas parce que quand je pollue, ça détruit l'air ». Bon, à un moment donné, l'humain qui apprend à ne pas polluer va dire « bon, mais moi, c'est assez de pisser dans ma rivière, c'est l'eau que je bois ». Et par essai et erreur. Bon, il y en a qui disent que c'est bon, mais en tout cas, l'humain finit par arrêter du moins de faire certaines choses comme ça. Bon, là, il a appris. À un moment donné, il va comprendre la mécanique, par exemple, que, bon, l'urée ou encore les matières fécales ou les produits chimiques, il comprend la mécanique chimique qui va faire en sorte que si tu vas avoir une eau meilleure pour ton corps physique, tu ne fais plus ça. Il comprend. Et à un moment donné, il conscientise. Conscientiser veut dire que dans son expression, il va exprimer de l'amour intelligent, donc de l'esthétisme. Parce que l'amour intelligent, c'est esthétique. Il va finir par se rendre compte qu'il va, il ne pourra plus, il ne sera plus structuré pour polluer. Est-ce et là, on va dire, oui, ça cause ta peur que... Non, je n'ai pas à cause de rien. J'ai même plus besoin de raison pour ne pas polluer. Alors, pourquoi tu ne pollues pas? Parce que ça ne se fait pas. Parce que c'est inintelligent. Parce que c'est inesthétique. Est-ce que c'est le savoir, la conscience? C'est le savoir. C'est l'équivalent. Ce n'est pas la connaissance, c'est le savoir. Et le savoir, il est instantané. Donc, la conscientisation, c'est cela. Pourquoi, par exemple, tu ne fais plus de misère aux autres? On a de raison par apprentissage. Quand je donne un coup de poing, il m'en donne un, fait que je ne le fais plus. On a la raison de compréhension. Ça pourrait être comprendre la loi du karma. Ça pourra comprendre différentes mécaniques. Et c'est bon. Et à un moment donné, c'est la conscientisation. Je ne fais pas partie de la race de ceux qui bûchent sur autrui. Et ce n'est pas du snobisme, ça ne fait pas partie de mon essence. Je n'en vois pas l'intelligence. Je n'en vois pas la beauté. Je ne peux pas. Je me détruis quand je frappe quelqu'un. C'est comme si je me frappais moi-même. Est-ce que l'être transitif est souffrant là-dedans? Est-ce que l'être transitif, il est totalement pas nul. Parce que tu peux être de l'autre race, c'est-à-dire de celle qui frapperait, puis de celle qui ne frappe pas en même temps. Puis là, veut dire, égoïquement, j'aurais le goût de frapper, puis intelligemment, je ne peux pas frapper. Oui, c'est et si tu ne frappes pas, comme j'expliquais, si tu ne frappes pas, tu te détruis, puis si tu frappes, tu te détruis. C'est ça. C'est le problème de l'être transitif. C'est pourquoi on doit transiter le plus rapidement possible. Oui, parce que sinon, tu risques de te faire frapper. Voilà. Mais tu perds les deux cas. Parce que ou tu cries, puis tu sors ta colère, ça soit tu vas la refouler, ça va te faire mal. Mais si tu es transitif, si tu es en colère, c'est dans l'intelligence que tu fais mal. Mais ça te libère au niveau de l'ego. Alors que si tu ne cries pas dans l'intelligence, ça va mieux, mais tu te détruis au niveau de l'ego, donc tu vas avoir des problèmes physiques aussi. La personne qui commence à transiter, à un moment donné, c'est pourquoi qu'on le dit souvent, qu'il faut qu'on cesse de niaiser, il faut qu'on l'applique un peu beaucoup. Et on doit commencer à appliquer de plus en plus. Faire le passage de l'homme vers une divinité, c'est un peu ça. Bon, on va expliquer d'une façon beaucoup plus profonde dans le prochain mois sur les 5 conférences, avec des exemples concrets. Mais qu'est-ce que c'est? C'est que l'humain, l'être humain, passer vers la divinité, cela veut simplement dire qu'il doit travailler pour reconnaître chez lui des mécaniques qui font partie de l'esthétisme, qui font partie de l'intelligence. La première marche vers le plan divin, c'est l'intelligence supramentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de savoir une chose spontanément, donc sans l'avoir apprise, lorsque c'est nécessaire qu'on la sache. La deuxième chose, ça va être de mettre de l'amour dans l'intelligence. Ça veut dire être capable d'avoir une intelligence que du cœur. Et ça, il faut faire attention à la nuance. Ça veut dire être capable d'exprimer la beauté qui nous habite. C'est ça de l'amour. L'amour, ce n'est pas de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Pas ça. Ça, c'est l'amour humain. Alors, nécessairement, ça pourrait impliquer, à un moment donné, qu'on va oublier de lui dire, qu'on ne sera pas capable de lui dire, qu'on va le dire d'une façon tout croche, qu'on va le perturber en lui disant, ou encore qu'on va exprimer l'amour d'une façon particulière, on va le haïr. Prenons l'exemple de heureux. Hein? On connaît le bonheur, on va dire heureux. Mais est-ce qu'on connaît quelqu'un qui n'est pas heureux? Mais ça n'existe pas dans le langage humain, quelqu'un qui n'est pas heureux. Oui, c'est malheureux. Oui, ça veut dire ça, qu'il est heureux de la mauvaise façon. Hein? Il est malheureux. Mais il n'est pas inheureux. Bon. Alors, l'être humain est heureux ou malheureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur ou l'horreur, hein, c'est pas, est une énergie qui habite l'humain. Et si elle est canalisée d'une façon écologique, ce sera heureux. Et si elle est canalisée d'une façon inécologique, ce sera malheureux. Mais il n'y a pas d'inheureux. Ce bonheur-là est intrinsèque à l'âme. Alors que l'être qui se dirige progressivement vers l'état de divinité va finir par aller chercher une source d'énergie, le Nazarien parlait d'eau vive, énergie qui ne provient pas de la mécanique astrale, donc qui ne provient pas de l'âme. Ça va mettre du baume sur le cœur de l'âme, ok, ça va combler les lacunes de l'âme, mais ça ne provient pas de l'âme. Alors, l'être humain doit donc se connecter à quelque chose d'autre qu'à son âme. Et si c'est pas le malheur ou le bonheur, ça sera quoi? La joie. La joie, le bien-être. Est-ce que le bien-être, c'est... Non. Non plus? Non. Le bien-être s'adresse encore à celui qui est un être humain. Hein, à celui qui est un être humain qui travaille spirituellement. Oui. L'être humain, lui, va chercher un bien-être, c'est-à-dire qu'il va essayer d'être bien. Le mieux possible. Oui. Alors que la personne qui se dirige vers l'état de divinité va finir par être. Alors, elle aura un état d'être-té, elle n'aura pas un bien-être. Bon. Ce ne sont pas des jeux de mots. À un moment donné, on va revenir sur les prochaines conférences, vous allez voir que, subtilement parlant, ça peut créer des petites mécaniques chez vous, des petites mécaniques réflexes, qui vont faire en sorte que, subitement, on va comprendre, on va arriver à une conscientisation de certaines choses. Il n'y a pas, en français, comme dans aucune des langues, il n'y a pas un synonyme qui veut dire la même chose. On dit qu'un synonyme, c'est deux mots différents qui veulent dire la même chose. Mais ça, c'est totalement faux, ça. Il n'y a pas un synonyme qui veut dire la même chose. Il n'y a pas besoin de deux mots s'ils veulent dire exactement. Oui. D'ailleurs, l'avantage du poète, ça va être quoi? Ça va être de prendre des synonymes pour leur faire dire quoi? Des choses différentes. Bon, c'est pour être capable d'extirper la saveur de chaque mot pour arriver à dire des choses subtiles qui vont plaire. plaire à l'intellect ou plaire à l'ego. Bon, mais ça, on ne joue pas avec les mots. Les mots veulent dire certaines choses et si on emploie les bons mots, on est capable, dans l'énergie de la conscience, d'avoir des saveurs différentes qui vont nous permettre de forger notre conscience. Est-ce qu'énergétiquement, le plan divin est beaucoup plus puissant en termes d'énergie que le plan supramental? Ce qui veut dire que notre corps physique sera capable de l'exprimer? Le plan supramental, on peut le comparer, disons, à une tonne de trinitaux tonuels. Bon. Ça se mesure dans une entonnoir, ça, pas de fond. Non, donc une tonne de TNT. Et le plan bouddhique pourrait être comparé à une tonne, à une bombe nucléaire, une bombe atomique d'une tonne. Alors, en termes de puissance d'expression, le plan bouddhique est beaucoup plus puissant que le plan supramental. Et le plan divin, on peut le comparer à une bombe thermonucléaire qui pèserait aussi une tonne. La bombe atomique, c'est pas puissant comparativement à une bombe thermonucléaire. Alors, on a un peu la même chose. C'est exactement comme si tu comparerais le plan, l'homme présentement tel qu'il est, il est comparable à la flamme sur une bougie. Bon, le plan supramental peut être comparé à toute l'énergie dégagée par la centrale de LG2, comparativement à l'homme. Bon, tu mets toute la lumière que tu peux là-dessus, là, tu connectes ça à la centrale de LG2, t'es clair. Bon, alors l'humain dans le plan astral, dans sa spiritualité, il est comme une flamme, une bougie. Tu fais plus rien, hein? Bon. Alors, que le plan supramental va faire en sorte que l'homme, la femme... Souvent, on le brûle par les deux bouts, voilà. Oui, ça fond la cire, c'est l'humain, il meurt. Le plan supramental, c'est l'équivalent de... On calcule ça en bougies. Alors, on dirait des millions de milliards de bougies, hein, des lumières connectées à la centrale LG2. Le plan supramental. Le plan bouddhique, on pourrait considérer que le plan bouddhique est l'équivalent du soleil. On est loin du soleil, de nous autres, là, mais colle-toi sur le soleil, là, rentre le soleil chez toi, là. Alors, en réalité, on pourrait dire, rentre la terre dans le soleil, parce que c'est bon. Et le plan divin, tu peux comparer ça à une supernova, puis une supernova, ça peut être l'équivalent de... Si notre soleil serait une supernova, ça veut dire que... Non, on va prendre un autre exemple. Montréal est le soleil, la terre gravite dans la région de Québec. Si le soleil serait une supernova, la fin de notre soleil dépasserait largement le soleil actuel. Donc, c'est pas Québec, c'est pas la Terre, c'est à l'autre bout de là-bas. Alors, le plan divin pourrait être comparé à une supernova, le plan boutique au soleil, le plan supramental à la centrale d'LG2, puis l'homme actuellement une flamme sur une bougie. Okay, ben, comme on est une bougie puis en cire actuellement, génétiquement, dans les corps physiques qu'on nous a proposé, qu'on utilise, sont pas de capacité pour résister à une énergie comme ça. Si tu prenais juste l'énergie supplémentaire, on ne réussit même pas à l'exprimer convenablement puis à l'utiliser. Non, ça use le corps physique. Bon, ça nous brûle, entre guillemets, puis en réalité aussi. Oui, c'est ça. Ça brûle les guillemets en même temps. Ça les brûle toute la patente. Quand est-ce qu'on va arriver au plan divin? On sait pas ça. Tu veux la date? Non, pas la date. C'est pas ça que je veux. Non. Avant qu'on arrive à ce niveau-là de divinité, il va se passer... C'est exponentiel. Il va se passer beaucoup d'événements ou un événement majeur. Voyez-vous, c'est que la majorité des corps physiques ici présents, comme ceux d'ailleurs qui ne sont pas ici et qui écoutent, la majorité des corps physiques, des êtres humains qui se conscientisent, ne sont pas prêts. Mais ils ont tout pour être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des individus ici sont présentement, il leur faut pas grand-chose, mais ce pas grand-chose-là pèse plusieurs tonnes. Il ne faut pas grand-chose. L'être humain, présentement, il est constitué pour être facilement mutable. Les personnes ici présentes peuvent, en travaillant certaines choses qu'on va voir, muter suffisamment leur corps, et ça, l'humain, souvent, il croit jamais à rien, mais il est tellement habitué à voir des miracles devant lui que ça, il trouve ça naturel, même pas normal. Puis les autres miracles, il n'est pas habitué, ça, il trouve ça pas mal niaiseux. Mais comme je le dis souvent, si on peut planter une graine dans le sol, puis en pousse un arbre, ben ça se peut pas, ça. Puis on a beau dire, ah oui, mais c'est à cause que la graine, elle va ramasse les oligo-éléments du sol, puis après ça, pourquoi qu'elle ne sacrait pas un bon, c'est une bébelle tout croche travers? Ah ben, c'est une graine d'érable, t'es plantée, c'est pas qu'un samar. C'est normal, ça fasse un érable. Comment ça se trompe pas? Puis comment ça trouve les bonnes babelles, puis comment ça place ça là? Pourquoi la foutue graine du maïs qui ramasse les mêmes maudites substances fait un maïs, puis la graine de l'érable qui ramasse les mêmes maudites substances fait un érable? Ah ben, c'est à cause que, comme je le dis, la science va décrire ce qui se passe, mais elle n'en comprend foutrement rien. Encore une fois, on prend une cellule, un spermatozoïde, on plante ça dans un ovule. Ça se divise. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un gros moton de cellules. Puis il n'y a pas d'œil là-dedans, il n'y a pas d'estomac, puis il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas d'orteil, il n'y a rien là-dedans. C'est un gros moton très laid, qui ressemble à tous les motons. Hein? Bon. Après 2-3 semaines, là, un moton de chien, puis un moton d'humain, puis un moton de cheval, tout pareil. Puis à un moment donné, vous laissez continuer, puis là, ça se divise, et subitement, il y a des petites cellules quelque part qui commencent, on dit, à se spécialiser. Et que c'est génial. On n'en comprend rien, pareil, c'est un miracle, ça ne se peut pas. Et là, subitement, les petites cellules idiotes, il y en a qui vont devenir des os, il y en a qui vont devenir des périos, il y en a qui vont devenir des muscles, des tendons, des nerfs, il y en a qui vont devenir un cerveau. Il y a une partie du cerveau qui avance, ça crée les deux yeux. Bon, puis lentement, ça crée tout ça complet. Puis là, on dit, on a un bébé, c'est normal, c'est un bébé, ben oui, c'est sûr. T'sais, après 9 mois, c'est comme ça, ben oui, c'est génial. On comprend foutrement rien, c'est un miracle total. Et là, quand on a un bébé, ben là, il donne du pain à blâme, puis on lui donne du lait, puis on lui donne des cochonneries aussi. Et parce qu'il faut quand même que ça adapte à notre vie, bon, on lui donne des cossins. Et qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Ben, il ose faire pousser son bras. Mais pourquoi les autres ne traversent pas? Ben non, c'est parce que tout pousse en même temps égal. Vous expliquez-moi ça. Tu sais, ton cartilage, là, il avance au bon moment. Tout avance au bon moment. La peau, les vaisseaux sanguins, hein? Ça lâche pas en moi entre-temps, ça là. Non, ça avance en même temps. Mais si ça grossit, il faut plus de sang. Oui, il s'en fabrique en même temps. C'est parfait, c'est bien correct. Bon, la boîte crânienne grossit un peu, tu sais. Puis le nerf optique s'allonge en même temps, hein. Puis les oreilles aussi. Puis la petite langue a grossi, tu sais. Tu as l'air fou, maudit. Tu te racontes ta langue de bébé, voilà. Bon, tu sais. Il y a un arrêt des affaires polies à côté. Tu as un tout bouchon, tu as quatre cuillères en dedans, vous voulez remonter dessus. Bon, en tout cas, bon. Et puis lentement, ben, il y a toutes les jambes, les pieds, le bassin s'arrange. Puis à l'adolescence, la jeune fille commence à développer un bassin de femme. Comment ça se fait que subitement les os... À développer un bassin de femme. Exactement. L'homme, il développe d'autres choses. Mais c'est ça. Et là, subitement, ben, la pomme d'Adam de l'adolescent commence à grossir. Puis un paquet d'affaires commence à se passer. Pourquoi? Normal. Ah oui, c'est normal. T'sais, t'as pas de barbe, puis à un moment donné, ça commence à pousser tout au même âge, au même moment, au même temps. Dans le même visage. Puis pourquoi ça pousse pas là, hein, ou là? T'sais, ben, ça pousse là. Pourquoi ça pousse pas, dans ton cas? Ben, ça, je dis, ça pousse pas là. Bon. Mais tout ça, c'est normal, hein? La fille à l'adolescence, les seins commencent à pousser. Tu sais, comment ça se fait qu'à un moment donné, les cellules commencent à se dire, ben là, il serait temps qu'on y aille? Mais à un moment donné, tu vas te dire, je suis rendu à 85 ans, pourquoi ils se disent pas, ben là, il serait temps qu'on recommence à rajeunir l'affaire. On n'est pas habitué à ça. On est habitué à voir ça comme ça, là, on n'est pas habitué à voir ça de l'autre bord. Les miracles, on en a plein. Puis tant que l'humain ne se réveille pas, il se dirigera pas vers la divinité. On assiste sans arrêt à des stupidités. Tu sais, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Tu prends des petits électrons banals, tu les fais tourner dans un microprocesseur, ça fait un ordinateur. Lui, ça se rappelle tout ce que tu y as dit, ça fait des jeux vidéo, ça communique avec les voisins, ça t'éclaire, ça fait jouer le son, ça détruit les avions ennemis, les mêmes maudits électrons. C'est ça aussi qui est dans le métal ici, puis qui est là-dedans ici, etc. Ça, c'est idiot. Tu prends un atome qui a plusieurs électrons, tu en rajoutes 4. C'était du fer, maintenant c'est rendu d'autres choses. Si tu en rajoutes un peu plus, c'est rendu d'autres choses. Si tu en mets plein avec des protons, c'est rendu de l'or. Voilà. Tu fais que prendre le carbone, hein, le charbon. On prend le charbon et on place la structure moléculaire d'une façon. C'est du charbon. C'est noir, ça se défait en morceaux. Tu prends le même carbone, tu places ça différemment, c'est du diamant. C'est transparent et c'est incassable. C'est ça. On est tellement habitué à voir des choses impossibles que ça fait partie du normal. Puis quand un bonhomme comme moi va dire à un moment donné qu'on peut rajeunir, ben il est flyé. Mais ce coupe-volant, il n'y a rien là. Mais il n'y a rien là, ce coupe-volant. Traverser un mur, il n'y a rien là. Il y a en masse de place dans notre corps physique traverser un mur. Vous prenez un verre d'eau, là, hein? Il n'y a pas beaucoup de place là-dedans. Quand vous mettez du sel là-dedans, ben mesurez ça à un moment donné. Remplissez le verre en rebord, puis mettez du sel. Vous allez voir, l'eau ne débordera pas. Essayez avec une poignée de sable, une pincée de sable, l'eau déborde. Une pincée de sel, l'eau déborde pas. Où qui va le sel? C'est plein de trous dans l'eau. Puis les molécules de sel, quand ils sont en contact avec l'eau, ils s'ionisent, ils se détachent. Puis les ions vont boucher les trous qu'il y a dans l'eau. Alors l'eau ne déborde pas. Là, tu rajoutes du sel, tu rajoutes du sel, tu rajoutes du sel, ça ne déborde pas parce que le sel va boucher les trous qu'il y a dans l'eau. Puis à un moment donné, tu rajoutes du sel, ça commence à déborder. Ce que le sel peut boucher de trous dans l'eau est plein. Alors maintenant, ça va déborder. Hey, c'est saturé, voilà. Mais c'est plein de trous. On est bourré de trous. Vous savez, à un moment donné, j'étais au planétarium d'or, moi, là. Je m'abreuvais, n'est-ce pas, de cette science, hein? Alors que les adultes, ils buvaient la bière, eux. Bon, alors j'étais au planétarium d'or, et puis, mais en dedans, et puis, là, ils nous expliquaient, imaginez ce que ce serait si un jour deux immenses galaxies entraient en collision. Moi et mon ami, on se regardait et on disait, ça devrait pas être joli. Alors là, ils nous montrent ça. Deux grosses galaxies qui s'en viennent avec la grosse musique, le suspense, là. Puis là, les grandes, ça, là-dedans, là, puis la grosse musique continue, là, puis ils se passent absolument rien, traverse comme ça, s'envoient l'un bord de l'autre, puis la musique arrête. Puis là, t'expliques, voyez-vous, c'est que nous, quand on les voit, là, on voit ça des grandes masses de lumière. Mais il y a tellement d'espace entre ça, là, que la probabilité que deux soleils s'encontrent quand ces deux galaxies se traversent, c'est de 1 sur plusieurs dizaines de milliards. Nos corps physiques sont bâtis de la même façon. Nous, on s'en rend plus compte, là, tu sais, là, mais ça ne se peut pas. C'est ce qui fait que matériellement, on devrait être capable de traverser des murs, puis de ben oui. Il y a assez de trous dans le mur, puis dans notre corps, pour qu'on fasse passer les trous. Hein. Comme je dis souvent, vous prenez votre bain, l'eau à l'extérieur, c'est-tu vous autres? Non. Vous buvez de l'eau, c'est-tu vous autres? Non. Si vous autres en maudissez pas là. Puis quand vous l'urinez, puis vous autres, c'est certainement pas là. Mais bon. Mais on est constitué à 97% d'eau. C'est pas la même eau. Puis nous, on en rejette sans arrêt. On s'use sans arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a jamais été le même corps. On n'a jamais été la même forme. Mais on croit qu'on était la même forme. C'est sans arrêt en train de se défaire et de se refaire avec jamais les mêmes choses. Je disais Tintin dernièrement, hier. Or, ils s'en vont au pôle Nord, l'étoile mystérieuse. Ils s'en vont au pôle Nord, puis le Tintin sur le bord de son bateau, puis il dit à Milou, « Hey, respire à plein poumon, c'est de l'air que l'humain n'a jamais respiré. » C'est une grosse vague, leur arrive en pleine face, c'est bon. Mais vous rendez-vous compte qu'il n'y a pas un seul atome d'oxygène sur la planète qui n'a pas été respiré des milliards de fois? Qu'on respire de l'air qui est passé dans les poumons de tous nos descendants, depuis la Terre blanche, allez jusqu'à aujourd'hui. C'est de l'air usagé. Hein? Ah, c'est de l'air usé en maudit. Napoléon, là, bien, chaque fois qu'on respire une goulée d'air, on respire au moins un atome qui était respiré par lui. Pas bien aimé les spaghettis, hein? On est dans un cadre où on parle de pureté, où on parle de ceci, où on parle de cela, tu sais, on n'est pas dedans du tout. Tout cela fait partie du mensonge cosmique et de la vision de l'homme. Quand je parle, moi, d'aller vers l'état de divinité, ça veut dire conscientiser des choses, ça veut dire comprendre la mécanique. On a vu qu'on peut apprendre la mécanique, c'est la logie des choses. On apprend physiologie, astrologie, on apprend la mécanique. L'astronomie, ça, c'est l'anomie, on nomme les choses. En astronomie, on nomme. Bon, l'astrologie va comprendre la mécanique. Par la suite, l'humain doit apprendre et comprendre les relations qui existent entre toute la structure, c'est l'agonie. Hein? Et c'est d'ailleurs là, normalement, que l'humain éclate. C'est l'agonie totale de sa conscience. Bon. Alors, ce sera la cosmogonie, ce sera l'astrogonie, ce sera la physiogonie, l'humanogonie. Comprendre les relations entre le macrocosme et le microcosme. La camcogonie. Ah, la camcogonie. Et quand on arrive à l'état de divinité, ça fait partie de la zoophie. Là, ça serait l'astrosophie, l'androsophie. L'humanosophie, si vous voulez, la cosmosophie. Et là, c'est la sagesse, mais en réalité, sagesse, sophie, savoir. C'est le savoir, la conscientisation des mécaniques. Et quand tu arrives à la conscientisation des mécaniques, tu débordes totalement. Quand je dis souvent, moi, la science, bon, dernièrement, j'écoutais encore une émission à la télévision où on avait une confrontation entre médecine douce et médecine moins douce. Puis médecine douce, tu sais, l'acupuncture, c'est une aiguille. Flac! C'est une médecine douce, ça va bien. Médecine douce, ça va bien. La chiropratie, médecine douce, tu sais. Flac! C'est médecine douce, bon. Mais disons, les médecines dites naturelles. Disons, moins dures. Tu sais, mais une médecine naturelle, la chiropratie naturelle, c'est quand un cheval te passe sur le dos, c'est naturel. Mais quand c'est quelqu'un qui te tripote, c'est plus naturel. Bon. Alors, on parlait des médecines, disons, naturelles et les médecines qui sont moins théoriquement. Et là, il y a la chicane entre les deux. Alors, que tout ce que tu as à dire au médecin, c'est, tu poses, je l'ai déjà dit, il m'a donné, pose la question. Est-ce que vous croyez qu'il y a des maladies psychosomatiques, ça existe? Hein? C'est bien simple. Et ils vont dire, bien sûr. Bon, il y a même des médecins qui vont vous dire que 90% des maladies sont psychosomatiques. Donc, sont enclenchés par l'âme ou par l'ego. Oui. Alors, là, tu leur dis, si les maladies psychosomatiques existent, pourquoi vous refusez les guérisons psychosomatiques? Tu sais, gang d'épée. Bon. Alors, il y a quelque chose, à un moment donné, c'est la même chose pour nous. Nous, on va se dire, c'est vrai, je me suis stressé, je me suis ceci, je me suis cela. Dirige-toi vers l'état de divinité, puis tu vas être moins stressé, c'est sûr. Mais en plus, tu vas guérir. En plus, tu vas rajeunir. En plus, tu vas commencer à retrouver la joie que l'enfant a, pas le bonheur de l'adulte, là. Et en plus, tu vas commencer à retrouver le pétillement, le rayonnement. Et là, l'humain va dire, « Ouais, mais ça mène à quoi tout ça? » Et ça, on s'en fout, ça, pour l'instant. Commence par être correct, là. Après ça, tu vas savoir. Trouver la jeunesse du corps physique, de nos cellules, du corps qu'on a actuellement? Oui. Pour cela, l'humain doit faire différentes choses. L'humain doit comprendre qu'il n'est plus un animal. L'humain est... Oh, je ne parle pas au niveau de l'orgueil, au niveau du snobisme. C'est, écoute, moi, je ne suis pas un animal, moi. Combien de fois tu couches avec ta femme? Oh, ben, écoute, ça, c'est personnel. Pour ça, je te pose une question, là. Ben, combien de fois? Une fois par mois? Oh, ben non, écoute, moi, je suis normal, quand même. Ah, une fois par 6 mois? Mais non! Moi, je te parle une fois par... OK. Tu sais, bon, c'est ça. Les colères, les guerres. La façon de manger souvent, tu manges comme un chien ou comme une chienne. Tu vis pour t'alimenter, tu ne t'alimentes pas pour vivre. Bon, la jalousie, bon, tu sais, on n'est pas un animal, il y a encore beaucoup d'animaux humains. Et je ne dis pas ça pour insulter l'humain, ça ne sert à rien. Un être humain, ça ne s'insulte pas. Seul l'animal humain s'insulte. Quand à un moment donné, quelqu'un disait, vous savez, l'homme descend du singe. Il faut comprendre que ça, c'est une théorie de singe, que l'homme descend du singe. Bon, c'est l'orgueil du singe qui va dire ça. Il faut bien qu'il se mette une place quelque part. Mais c'est la même chose. Quand tu dis à l'animal humain, il y a une grande partie de sa constitution qui est une constitution animale, ça l'insulte. L'être humain ne s'insulte pas de ça. Bon, crime, on va greffer... Bon, vous êtes brûlé pendant longtemps, on greffait de la peau de cochon. C'est la peau la plus près de l'humain. Bon, la peau de cochon. Bon, on va faire des expériences sur certains animaux parce qu'ils sont exactement identiques à nous autres. Puis après ça, on va continuer à dire qu'on n'est pas des animaux. On est des animaux, souvent même dans le comportement, des animaux grégaires. On boit du lait de vache, on devrait boire du lait de singe. Bon, je sais pas, c'est plus dur à traire. C'est la plus proche. C'est plus dur à traire. Quand on va avoir atteint un niveau de divinité, est-ce qu'on va avoir absolument avoir constitué un double éthérique? Est-ce qu'on a besoin d'un double éthérique? Mais je vais te définir un peu ce que c'est que... Parce qu'un être... Oui, tu vas créer un double éthérique. Mais il faut comprendre une chose, c'est que moi, dans mon discours ce soir, ce qui est intéressant, ce que j'aimerais simplement qu'on comprenne, c'est où qu'on conscientise, si on peut aller plus loin, c'est que l'humain a à sa portée, là, tout de suite, là, il n'a pas sa finalité tout de suite à sa portée. Hein? Mais l'humain a à sa portée, l'humain qui comprend certaines choses, qui conscientise certaines choses, a immédiatement à sa portée un état de divinité. Et ce n'est pas nécessaire qu'il attende un paquet d'affaires, il comprend là. Bon, c'est sûr qu'il y a des mécaniques intéressantes à comprendre à un moment donné pour parvenir à se libérer de schémas d'inhibition qui nous empêchent totalement d'être ce que nous sommes du point de vue divin. Et quand je dis ce que nous sommes, tous les humains ne sont pas divins. Tous les humains pourront un jour parvenir à un état, ils pourront être divins. Bon, mais à un moment donné, il vient un point où c'est évident que chez toi habite une énergie qui a une tendance à s'exprimer. Et cette énergie-là, si tu la laisses s'exprimer, elle aura la capacité de t'instruire de ce que tu dois faire à ton corps physique pour le préparer, de t'instruire à ce que tu dois dire à ton ego pour le préparer, de t'instruire à ce que tu dois dire à autrui pour qu'il t'accepte comme tu vas être, de t'instruire de ce que tu dois faire pour briser les manipulations astrales qui vont t'obliger à rester un animal. Et pour cela, tu dois exprimer un peu plus cette énergie-là. Mais est-ce que l'énergie n'est pas accessible à tout le monde? Non. Non. C'est génétique? C'est énergétique, en tout cas. Oui. Mais c'est... Parce que la question, spirituellement, on dirait oui, c'est accessible à tout le monde. Là, on va encore jouer dans le mensonge cosmique. Il y a énormément d'individus, d'êtres humains, d'animaux humains qui ne pourront pas être divins dans cette vie-ci. Alors, ça ne sert à rien de vouloir s'en occuper du point de vue de la divinisation. Mais c'est accessible à tout le monde un jour, pas nécessairement un dans jour, cette vie-là. Un jour, une nuit, un soir, un matin. C'est ça. Mais oui, sauf que pas dans les corps physiques actuels pour plusieurs personnes. Les individus qui se conscientisent, c'est accessible à eux. Bon, ça veut dire que la majorité des individus sur le plan planétaire qui se conscientisent, qui m'écoutent ou qui ne m'écoutent pas, parce que c'est pas juste c'est pas besoin de suivre de Daniel Kim pour aller là. Ça peut être agréable, ça peut être intéressant, ça peut sauver un peu de certaines choses à un moment donné, mais ce n'est pas un sine qua non, pas pour l'instant. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que l'humain qui se conscientise, lui, a accès à ça. Et pour le faire, ça, il doit, on en a parlé souvent, mais ça devient de plus en plus évident que c'est l'humain devra le faire, les personnes devront commencer, ils vont se réchauffer, c'est que la personne doit, pour devenir divin, là, ce qu'on doit faire simplement, c'est une chirurgie à l'intérieur de soi, une chirurgie en ce sens qu'on doit s'asseoir, hein, on peut faire debout, je marche bien ou en courant, mais quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit arriver à une stabilité de l'ego, de l'astral, et là, on commence à se regarder. C'est exactement comme si on s'inventait différents miroirs pour se voir. Les meilleurs miroirs, souvent, sont ceux avec qui on vit. Mais on doit faire une analyse qui est beaucoup plus profonde, et là, les personnes, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être manipulés par leur ego à ne pas faire ces analyses-là. Bon, alors c'est l'avantage justement à un moment donné d'être capable de trouver une banque d'énergie qui va te permettre d'aller chercher cette énergie-là quand tu vas vouloir faire le travail. Bon, que ce soit le séminaire que je donne, que ce soit différentes techniques qui existaient dans le passé et des nouvelles qui vont apparaître prochainement pour que l'individu soit capable de se relier à une banque d'énergie pour que lorsqu'elle décide de faire un certain travail, qu'elle soit capable d'aller chercher l'énergie qui lui manque, qui va toujours la forcer à être manipulée, à se faire dire, « Bah, ça sert à rien ce que tu fais là, tu sais, puis ça ne marche pas, ça, etc. » Bon, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va embarquer sur différents chemins. Lorsqu'elle commence à faire une introspection intérieure, où là, elle va commencer par regarder, « Bon, qu'est-ce que je déteste le plus chez autrui? » Mais là, elle va commencer à fouiller ça, puis c'est bon qu'elle l'écrive. Parce que sans ça, on va l'oublier. Bon, puis qu'est-ce que j'aime le plus, ça sera plus tard, là. Qu'est-ce que, tu sais, c'est ce qui me nuit. Non, pas, c'est, ça n'a rien à me dire. Ben oui, mais je suis de même, mais en même temps, je suis comme ça. Si j'ai une carie, j'ai une bonne dent aussi, là. Ça sert à rien, ça, là. Parce que bien vite, là, il n'aura plus de bonne dent. Hein? Bon, alors, ce qu'il faut comprendre, la personne, elle commence par vérifier chez autrui. Puis souvent, puis encore une fois, je dis bien que quand on dit à quelqu'un quelque chose, c'est bien souvent parce qu'on l'a nous-mêmes. Mais il faut faire attention. Ce que je veux dire, moi, c'est que si vous êtes capable de remarquer chez moi certains défauts, c'est probablement que vous les avez aussi. Parce que vous avez la capacité de connaître ces défauts-là. Si moi, je remarque chez toi certaines lacunes... C'est la même chose dans les qualités. Je sais que tu peux dire que les bonnes dames, les mauvaises dames... Mais seul le beau peut voir le beau. Bon. Alors, c'est la même chose. Je t'ai toujours trouvé pas mal. Bon, moi, je suis sérieux. On pourrait parler, effectivement, de la façon de se mentir. Tu sais, mais on en parle pas. Ah, continue. Une autre fois. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne, elle doit observer ce qui, chez autrui... Bon, vous êtes dans une société... L'aimez-vous, la société? Non? Oui. Les parties que vous n'aimez pas. Tout ce que vous n'aimez pas de la société, c'est des parties qui sont chez vous, que vous détestez. Puis on en fait partie. Oui. De la société. Mais c'est évident. Alors la personne va dire, oui, mais moi, je m'en irais bien sur une autre planète. Ça, c'est une fuite. Donc, faites attention, parce que peut-être aussi que vous fuyez ce qui, chez vous, nuit. Alors, on doit maintenant s'arrêter. Certaines personnes me parlaient à un moment donné de palingénésie. Hein? Bon, de rebirth, c'était mieux là, en anglais. Bon, renaissance. Est-ce que ça peut être bon? Mais là, on retourne dans certaines choses. C'est pas mauvais, mais c'est bien mieux si on le fait en être conscient. C'est difficile et ça demande, que c'est pour ça que tantôt tu disais probablement des techniques d'aller chercher de l'énergie, parce que se faire face ou s'observer, comme tu le dis... Oui, parce qu'on va intellectualiser, on va se défendre, on va donner des raisons, on va trouver que ça sert à rien. C'est pourquoi l'humain doit avoir un peu plus d'énergie, et là, il a à la portée de sa main le chemin qui mène à la divinité. La divinité, là, je la spiritualise pas, là. Je la décrirai même pas. Je m'en fous de savoir ce que c'est. Chose certaine, c'est que c'est mauditement mieux que ce que l'humain vit présentement. Bon. Alors, c'est déjà esthétique et intelligent d'aller vers ce qui est de mieux. C'est bien simple, c'est comme ça. Tu sais, tu gèles dans ta cabane, là, puis tu dis, moi, je te dis, allume le chauffage. Puis, si tu penses que moi, maître immortel, après avoir allumé le chauffage, ça n'a rien à foutre. Allume le chauffage, tu fais déjà mieux. Tu mourras pas de froid, en tout cas. C'est déjà mieux. Bon, alors chaque étape, à part chaque étape, à un moment donné, tu vas finir par avoir l'énergie pour comprendre des choses que présentement, ça ne sert même à rien de poser des questions. Ces questions-là vont juste te faire mal et vont te nuire. Alors l'humain doit commencer par faire une introspection. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Ah, c'est mon emploi, je change d'emploi. Ça se peut, si tu changes d'emploi, tu vas être mieux. Mais si tu changes d'emploi sans avoir réglé ce qui ne va pas à ton emploi, je parle au niveau de toi-même, tu vas recréer dans 2-3 ans... la même structure qui va faire en sorte que tu vas avoir encore le goût de changer d'emploi. L'instable au niveau du travail passe son temps à changer d'emploi. Bon. Ah, puis, chaque fois qu'il en trouve un, là, ah, là, c'est correct. L'instable au niveau de la vie de couple. Ah, là, j'ai rencontré le gars. Ah, là, j'ai rencontré la fille. Puis, je vous fais 2-3 mois après, 2 ans après, on recommence encore. Bon. Puis, après ça, ben, ce coup-là, là, ben, c'est toujours la même chose. Bon. La personne qui vit une instabilité comme ça, c'est qu'elle est... Il faut faire attention. L'individu capable, à un moment donné, de reconnaître chez lui une souffrance existentielle, donc il va finir par trouver, à un moment donné, qu'il n'aura le bol de telle affaire, t'écœuré de telle chose, ou qui va commencer à utopiser, à rêver d'autres choses. L'être humain qui en est rendu là est un être humain qui a accès à la divinité. Ça veut dire qu'il est rendu à un point où il ne peut plus se mentir à lui. Oh, avant, il voulait aussi fuir, mais il n'en souffrait pas. Aujourd'hui, il veut fuir, mais il en souffre. Maintenant, il est rendu à un point où le poids de l'intelligence chez lui l'oblige à voir. Puis s'il ne voit pas, il va souffrir encore plus. Puis s'il ne voit pas, il va être perturbé de mélanger. Puis s'il ne voit pas, il va être malade. Puis s'il ne voit pas, il va mourir. Physiquement. Alors, l'humain a accès à la divinité, puis la divinité, c'est impardonnable, tu sais, c'est qui y va, tu sais, c'est bon. Mais en réalité, c'est la divinité qui a accès à l'humain, dans la façon dont tu le décris, parce non, que... Non, mais c'est vice-versa. Parce que l'humain, on n'a pas choisi que la divinité ait accès, en tant qu'ego puis corps physique, on n'a rien choisi. La divinité non plus. Il me semble qu'elle a plus de libre arbitre que moi, là. Oh, bon, ça, c'est plaisant, sur ça, c'est plaisant, mais non. Pas plus? Ben non, parce que ça en soit l'arrêter de chercher quand t'étais encore aux couches. C'est mécanique, c'est... Ben, l'énergie supramentale, l'énergie de gratuité ou l'énergie d'intentionnalité ne peut que se connecter qu'à ceux et celles qui sont connectables. Donc, c'est tout. Et quand je dis qu'à ceux et celles qui sont connectables, fais attention à les égos médiocres. Certains vont dire, ah oui, ben moi, j'en suis pas un. À l'instant où on est capable de conscientiser certaines choses, et là, je dis encore une fois, à l'instant où on est capable de supporter une conférence de Daniel Kemp, on est conscientisable. Puis pas à cause de Daniel Kemp. Ce que je veux dire simplement, c'est que la personne, elle se dirait, est-ce que je me conscientise ou pas? J'amène suffisamment de trucs neufs, puis je branche suffisamment de choses dans la tradition, dans la mémoire, qu'une personne capable de supporter ça, bien nécessairement, elle se conscientise. Ça ne veut pas dire qu'elle a besoin de moi. On comprend bien l'idée. C'est un peu comme si vous êtes capable de supporter le soleil, vous êtes capable de supporter un rayonnement. Assez simple. C'est pas à cause du soleil, mais c'est une façon de voir. Alors, la personne qui va dire, ah oui, mais moi, je me conscientise certainement pas, moi, je suis pas. Es-tu capable d'écouter une conférence de Daniel Kemp sans avoir le goût de tout gorocher? Mais sans tout gorocher, plutôt. Tu peux avoir le goût puis rester là. Sans tout gorocher, ben oui, ben t'es un être qui se conscientise. C'est pas à cause de Daniel Kemp. C'est une façon de voir les choses. T'sais? Ça te permet au moins de juger. Parce que sans ça, l'ego va se dire, ah, moi, je suis loin d'être prêt à être en contact. Et tu vas trouver un bouton sur le nez, tu sais, pour pas être en contact. Si j'aurais plus de boutons, là, au moins, je pourrais penser que... Ou encore, moi, j'ai 62 ans, tu sais, je suis bien trop tard. Bon, ou encore, moi, j'ai commis un meurtre quand j'étais jeune, ou j'ai passé par la drogue, puis je me suis défait de cerveau, puis là, maintenant... C'est pas ça, là. Si on est capable d'écouter une conférence de Daniel Kemp, là, sans vouloir, sans tout gorocher, pour être précis, on est correct. On est correct. On n'a rien fini. Ce que je veux dire, c'est qu'on est contactable. On peut entrer en contact avec des mécaniques qui nous appartiennent, qui sont nous-mêmes. En réalité, nous leur appartenons parce que nous sommes beaucoup plus ça que ça. Et l'être humain doit parvenir, pour cela, il doit faire un travail chez lui, où il doit, on a parlé de la dissociation à un moment donné entre le mental et l'astral, entre l'intelligence, ce que vous êtes, et tout ce que vous faites, ce que vous n'êtes pas, dans la majorité des cas, hein, pour qu'on cesse de se culpabiliser d'avoir fait ça, puis ça, puis ça, alors qu'on comprend qu'on n'aurait pas dû. Pas nous autres qui l'ont fait, on est manipulés. Mais là, il y a des cochonneries chez nous, des crottes, des cossins qui viennent du passé, des cossins qui viennent de réincarnation, des cossins qui viennent de la mémoire, donc de l'astral. Et à un moment donné, la personne doit finir par se confronter à elle-même, pour se dire, j'ai toujours pensé que c'était ci, que c'était ça, mais non, effectivement, je suis ceci. Et pas en souffrant. C'est pas je suis un maudit trouillard. Non, de se rendre compte qu'effectivement, j'ai passé ma vie à être un trouillard. Je suis un lâche. Bon, alors à partir de maintenant, je ne dois plus fuir. Pas, je ne dois plus être un lâche, ça n'a rien à foutre. Je ne dois plus fuir. Le lâche a fini par mourir. Bon, je ne dois plus fuir. Le demain matin, j'ai encore fui. Mais c'est évident, j'ai encore fui. Je suis un lâche. Et maintenant, je suis un lâche conscient de ce qu'il doit faire. Bien différent. Alors, mais je ne dois plus fuir. Je vais maintenant m'arranger pour exprimer maintenant ma conscience, ma conscience intelligente, ma conscience divine, à ne plus fuir. Et progressivement, je ne fuirai plus ça. Mais là, je dois continuer à faire des introspections pour découvrir les 30 millions peut-être de cochonneries qui t'empêchent d'être fuir. Et ça peut se faire rapidement, tout est exponentiel, là, faut pas comprendre. J'ai rien dit. Pas hein? Alors, on fait une petite pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis Charles va se faire plaisir de les lire.